Film imposé dans le challenge VHS, Commando. Indubitablement, c'est un film inscrit dans son époque. Pour le résumer, c'est Schwarzy qui vient déglinguer une armée privée pour récupérer sa fille. D'ailleurs, je pense que cette simplicité et cette approche frontale sont les atouts majeurs du métrage. En dehors d'Arnold, bien sûr, dont la simple carrure constitue l'effet le plus saisissant de cette série B honnêtement réalisée. En parlant de réalisation, je connaissais déjà le réal, Mark L. Lester, pour son ptérodactyle avec Coolio, et bon, je m'attendais pas à grand-chose de sa part. Et je dois bien reconnaître qu'en dehors de quelques tremplins bien visibles, tout le reste est carré. Alors bon, je chipote, mais le film se regarde tout seul, il y a une seule chose qui m'interpelle, c'est la relation entre Bennett et Matrix. Bennett est un mercenaire en tricot de maille, physiquement à la croisée de Freddie Mercury et d'un bodybuilder, et la relation qu'il lie à Schwarzy Matrix est pour le moins surprenante. Ouvertement gay, il se conduit comme une petite amie possessive, hystérique, sans que qui que ce soit ne trouve cela étrange et sans que cela n'apporte quelque chose de plus au scénario qu'une double lecture plutôt grossière et parfois malaisante.